Devant eux, tu fais le bad boy. Dans ton compte en banque, y a feuille. Tu m'as eu dès le début. Ouais, j'ai cru en ta répute, moi. Si j'ai pu placer ma confiance en toi, c'est que je pensais que tu pensais à nous. Mais j'aurais dû les écouter, qui m'avaient prévenu que t'étais dangereux. Game over, game over, game over. Fais plus le lover, le lover, le lover. Game over, game over, game over. Fais plus le lover, le lover, le lover. J't'ai pris pour un homme et j't'ai surcoté. T'as préféré la fille d'à côté. Pendant toutes ces années, ouais, j't'ai supporté. Mais t'as préféré la fille d'à côté. Et si les murs sont vains, je tout te sais. T'as préféré la fille d'à côté. Côté, côté. T'as préféré la fille d'à côté. Puis suis-moi, je te suis, mais suis-moi, je te fie. Je ne sais plus qui tu es, car je sais qui je suis. Efface mon phone, tel j'ai bloqué ton numéro. T'achèteras pas mon honneur, mais ma avec des dineros. T'es mort dans le film, ouais, mort dans le film. Fonce dans le mur, vas-y, reste tranquille. T'es mort dans le film, ouais, mort dans le film. Fonce dans le mur, vas-y, reste tranquille. Game over, game over, game over. Fais plus le lover, le lover, le lover. Game over, game over, game over. Fais plus le lover, le lover, le lover. J't'ai pris pour un homme, mais j't'ai surcoté. T'as préféré la fille d'à côté. Pendant toutes ces années, ouais, j't'ai supporté. Mais t'as préféré la fille d'à côté. Et si les murs sont vains, je tout te sais. T'as préféré la fille d'à côté. Côté, côté. T'as préféré la fille d'à côté. Côté, côté. Mais t'as préféré la fille d'à côté. Côté, côté. Mais t'as préféré la fille d'à côté. Mais t'as préféré la vie d'à côté. Mais t'as préféré la vie d'à côté. J't'ai pris pour un homme, mais j't'ai surcoté. Mais t'as préféré la vie d'à côté. Pendant toute